nuit débute, le stream s'allume. Riders Kill s'élève, la foule s'allume. Les viewers prêts, tous réunis. Dans ce flux, l'énergie unie. Pixels vibrant, écran s'éclaire. Message cool, l'atmosphère. Connexion rare, douce magie. Dans l'ombre claire, amen. Lente passion, moment rare, lumière. Streams sincères.